Puisque Tahiti, maintenant, c'est pas un dom-tom du tout, en fait, Tahiti. Si. C'est Polynésie française. C'est Polynésie, ce sont les dom-toms. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Nadine. D'accord. Bon, je sais pas, moi. Attends, sinon, au mois de mars, je vais à l'île Maurice. Sinon, tu me demandes la capitale du Venezuela, je peux te la dire. Ben, moi aussi. Vas-y. Le Venezuela? Ouais. Tegucigalpa? Non, c'est Caracas. Ah, Caracas. Ah, voilà, Tegucigalpa, c'est le Honduras. Ah, merde. Eh oui, on se trompe toujours. Ouais, ouais. Non, bah, et comment ça s'est passé à Tahiti? Et je veux y aller à nouveau. Bah je veux oui, retourner. Encore là, une gastro. Mais en fait, là, j'ai réécrit un spectacle parce qu'il fallait absolument que j'y retourne. Et comme ils ont déjà vu le précédent, je me dis, il faut que j'en écrive un autre. Mais non, j'ai adoré. C'était merveilleux. L'accueil, la chaleur. Moi, je vois un jour ma vie là-bas, hein, vraiment. Ah ouais? Ah oui. Les gens sont merveilleux. J'ai des amis là-bas. J'ai le bon ami là-bas et, non, c'est vrai, j'ai des vrais amis là-bas. Oui. Et je compte vraiment y retourner. Je crois qu'ils ont compris. Je veux vraiment y retourner. Ah ouais. Y retourner. À moins de retransmettre par satellite. Pas... Merde. Ouais. Bah oui, pas de chance. Donc alors, un homme Fabien Le Yaorana. Désolé. Yaorana. Non, Yaorana, c'est bonjour. Ah bonjour. Ah ouais. Ok. Honolulu, quoi. Un homme de radio, de télé, et surtout de scène, on va dire, ou quoi? La scène reste... Ah oui, la scène, oui, bien sûr. Oui, moi, je pense, on fait de la télé et de la radio. Vous n'avez pas le retour pour amener du monde sur scène. C'est ça, ouais. Oui, ouais, pour amener du monde. Ouais. Enfin, ouais, d'ailleurs, je vais y aller. Non, ouais. Mais oui, bien sûr, j'aime bien la radio, beaucoup plus que la télé. Mmh. C'est physique qui fait ça. Non, c'est pas vrai, tu es très charmant. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai, très. Mais, oh, c'est gentil. Ouais, voilà. Tu fais quoi après? Oh, bah écoute, non. Tu sais, la drague... Ah non, mais je ne draguais pas. Ça n'aide pas. Ah oui, oh, c'est mais que, tu c'est rigoles. Que pour, mais je parle à Jimmy, tu fais quoi après? Ah oui, tu fais quoi après? On va boire un café. Voilà. Hein, on va boire un café. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, hein, que le spectacle continue. Show must go on. Oh mon Dieu. Mais. Oh, je ne m'y attendais pas. Ah bah non. Oh je sais. Oh, elle est forte. L'enchaînement est forte. De dingue. Ah, je vais appeler Énergie Radio Contact. Voilà. Je vais dire j'ai l'avenir de la radio ici à RQC. Si tu pouvais le dire à Jérôme aussi, ça m'arrangerait. Donc alors. Par contre, apparemment, si lui te draguait, tu dirais pas non apparemment, hein. Pourquoi je suis... Donc on sent que Jérôme, il y a un petit truc. Hein, on sent qu'il y a un petit... hein, on met des cactus à ses oreilles. hein, ouais. Elle préfère les chauds. Donc alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter à part, eh bien à que, part conclure que, cette année que the show must go on, ça c'est ouais. certain. Mm-hmm. Et puis, un bébé pour la fin de l'année. Oh. J'aimerais bien. Ouais, ouais. Faut trouver la maman maintenant. Ah non. Ah non, non, pas un bébé que moi je ferais, hein. Non, d'accord. Non. Ah oui, tu vas aller en Afrique pour l'adopter. Ah non, un bébé chat. Oui, un bébé chat, c'est bien. D'accord, ça va. Alors, le dernier... Quand je sais pas quoi dire, je dis n'importe quoi. Oui, j'ai remarqué. Alors, le dernier titre de ta playlist est un grand, un tout grand merci de nous avoir accordé autant de temps. Une heure, quoi. Ah oui, déjà. Non, mais oui, c'est ça, quoi. Une heure, mon ouais. Dieu. Alors, Queen de Show Must Go On, c'est une évidence. Ouais. Oui. Alors c'est une évidence parce que, comme pour la chanson du clown avec Soprano, ouais. Parce que, voilà, parfois quand on fait ce métier-là, on traverse des épreuves. Quand t'es engagé, quand tu dois aller jouer sur scène, mm-hmm. tu peux pas prendre congé, tu peux pas avoir un mot du médecin. Et tu dois faire rire. Hein, c'est pas oui, comme si on... c'est et donc là, et donc the show must go on. Il faut continuer. Hein, mm-hmm. Et j'invite les gens qui ne parlent pas anglais. Ce n'est pas mon cas, hein, puisque j'ai indeed, essayé de dire indeed. Oh yes, of course. Mais à aller voir la traduction de cette chanson, qui est une petite merveille. Pour mettre dans le contexte, il l'a écrite alors qu'il savait très bien qu'il allait très prochainement mourir du sida. Mm. Et voilà, c'est une chanson d'espoir qui n'est pas sombre du tout. Quoi. Non, enfin, non. Voilà. Donc c'est pour moi une des plus belles chansons françaises qui existent parce qu'elle est anglaise en fait. Ah, une petite voix pour terminer, Fabien. Une petite voix pour terminer. Alors, voilà. Une petite voix pour terminer. Je l'ai voulu. D'accord. Salut, Tronic. Bon, moi, je vous dis salut. Hein, bon, de show must go on. Ah, bande d'enfoirés. Oui. Enfin, Ouais, t'as reconnu ? Ouais, j'ai reconnu. Bon, évidemment, on voit pas la tête de... Non. Enfin, voilà, c'est la radio, quoi. Heureusement qu'il y avait la main, en fait. Non, ça veut dire tais-toi en même temps. Merci, Fabien. À bientôt, j'espère. À bientôt. Pour annoncer le spectacle en novembre. Il 2018. Est content, il va faire son spectacle en novembre. Il est content. Allez, salut. Salut. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Il fera chaud, même très chaud, à la bibliothèque de Moucron en février et en mars. C'est Christiane qui fera monter la température. Elle est au micro de Maud. L'érotisme, c'est la prochaine thématique abordée par la bibliothèque de Moucron du 7 février au 3 mars. Et pour en parler, je suis en compagnie de Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Maud. Alors pourquoi l'érotisme ? Alors, pourquoi l'érotisme? En fait, c'est né d'initiative de la Bibliothèque Centrale de créer une exposition avec d'autres institutions de la province du Hainaut. Donc, notamment la Bibliothèque de Mâcon y a participé par mon billet. On a créé cette exposition autour des livres érotiques, que ce soit dans la BD, les romans contemporains, les romans classiques, les mangas et les documentaires. Et parce que il y avait, on a vu un mouvement qui s'est créé au moment de la sortie de 50 nuances de Grey. Les gens se sont sentis décomplexés, ont osé emprunter ce genre de livre, et donc ça, il y a eu des demandes qui se sont créées plus importantes qu'avant. Et donc on s'est dit tiens pourquoi pas faire un point, développer cette thématique et créer quelque chose. Et donc, comme cette exposition a été créée, elle est partie déjà dans certaines bibliothèques. Ça a commencé par HAD qui font la nuit de l'érotisme déjà depuis quelques années. Et nous, on a décidé de la prendre au mois de février parce que c'était le mois de la Saint-Valentin. Donc forcément, on trouvait que c'était tout à fait cohérent de prendre ce mois de février pour créer, enfin, pour faire des activités autour de cette exposition. On peut juste redéfinir l'érotisme En tout cas, votre vision de l'érotisme. L'érotisme, ça doit rester quelque chose de subtil, pas de vulgaire, pas de pornographique. Mais l'érotisme est une définition qui est difficile à définir parce qu'il y a une frontière très faible entre l'érotisme et la pornographie. Il y a toujours parfois un lien difficile à pouvoir séparer. Maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout avoir des choses qui soient faites de façon subtile. Nous, c'est ce qui était notre but, notamment dans le choix qui a été proposé au Ciné-Club avec lequel on participe. Et que vous en parlerez, l'auteur de la mandarine. Et donc, dans cette exposition, on va retrouver quoi, exactement? Alors, dans cette exposition, il y aura évidemment les panneaux de l'exposition qui a été créée, avec les livres qui seront possibles de consulter sur place, puisque ça, on ne les a pas traités. Il y aura aussi des livres à emprunter qu'on aura en section adulte en général, pour voir la possibilité d'emprunter. Il y a, comme on a un atelier calligraphie, il y aura normalement des cadres qui sont faits avec les textes calligraphiés sur l'érotisme. Il y aura des marque-pages aussi, puisque nous avons évidemment un club de signopaginophiles, comme on dit. Il y aura aussi l'atelier qui participe, et là vous aurez peut-être des surprises, donc voilà, on n'en dira pas plus. Et il y a aussi 3 magasins de lingerie qui participent en mettant une partie de leur collection en présentation. Donc il y a le magasin Céline, le magasin Mireille et le magasin La Tricoteuse. Et donc voilà, et autour de ça, il y a différentes activités qui sont proposées. D'accord. Donc ça, c'est pour l'exposition qui sera visible du 7 février au 3 mars, le lundi au samedi de 14h à 17h. L'accessibilité, évidemment, voilà. Donc c'est gratuit pour cette exposition. Pour l'exposition, pas de problème. Oui. Donc tout autour de cette exposition, vous avez développé d'autres activités, donc notamment le cinéma, mais on en parlera davantage avec Jean-Pierre, avec le film L'odeur de la mandarine. Et il y a également, le Wabdouwab, donc le café-musée axé sur les années 60 qui va participer au projet. Oui, disons qu'on commence le 7 février d'abord par un vernissage aussi, et donc cette exposition donc sera, il y aura le vernissage, avec notamment la petite Marie, Marie Denbass, qui va nous faire une création entre poésie et chansons, soit des chansons connues ou des créations personnelles. Donc voilà, ça c'est pour le premier soir, la soirée de vernissage, qui sera à 19h. Effectivement, le jeudi 8 février, il y a une fois par mois au Wabdouwab, il y a les jeudis vinyles, où il y a une sélection de disques vinyles sur un thème bien précis, et ils sont décidés de participer avec nous dans notre mois érotique sur les prénoms féminins dans l'histoire du rock. Ensuite, le 9 février, là, c'est plutôt des contes pour adultes. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait un conteur de Mons, José Sculier, qui va nous présenter le spectacle d'amour et de merveille, mais qui n'est pas pour les petites oreilles, mais bien pour les grandes oreilles. Donc là, c'est le 9 février à 19h30. Voilà, c'est ça. Vous avez également demandé un sexologue d'être présent. Oui, tout à fait. Donc, nous aurons le jeudi 22 février à 19h, donc toujours à la bibliothèque, toujours au centre de l'expo, une conférence qui s'intitule lecture érotique pour éveiller son désir vers le plaisir. Alors il y a également l'EPN, donc l'espace public numérique, qui participe à ce mois en proposant un atelier sur Internet, mon amour. Donc sur les sites de rencontres sur Internet. Par contre, là, la participation est de 4 €. Oui, donc puisque c'est comme tous les ateliers de PN sont participatifs et on donne vente 4 € de participation. Et donc là, c'est aussi pour un public adulte. Oui, évidemment. Et donc le 3 mars à 19h, là, c'est un quiz sur l'amour. Oui, puisque nous avions eu un grand succès sur le quiz au cinéma. On a décidé de clôturer tout ce mois par ce quiz sur l'amour à travers l'histoire, la culture, les arts, la langue, la musique. Et donc là, c'est 4 à 5 personnes maximum par groupe et c'est 3 € par participant. Et il y a notamment de très beaux lots qui sont proposés et notamment une heure de spa privatif pour 2 personnes, une bague d'une valeur de 129 €. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes. Voilà. Donc on rappelle que toutes ces activités, à part la séance de ciné, auront lieu à la bibliothèque. Oui. Donc vous pouvez effectivement regarder un petit peu sur la page Facebook de la bibliothèque, le site internet. Il y a notamment un programme qui va sortir tout prochainement, oui, avec les activités en détail. Donc on rappelle que c'est du 7 février au 3 mars. Donc c'est le mois de l'érotisme. Il y a d'autres choses à rajouter ? Et que donc l'exposition est aussi accessible du lundi au samedi de 14h à 17h. Et que le vernissage est donc le 7 février. Le 7 février. À 19h. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Ont pris le ferryboat de leur lit par le hublot, ils regardent la côte, ils s'aiment et la traversée durera toute une année, ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 60 000 rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 60 000 69 années érotiques. Il s'aime et la traversée durera toute une année, il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. La Croix-Rouge a ouvert depuis peu sa vestiboutique, Kessako, me direz-vous. Eh bien, Sully, qui a rencontré le directeur de la Croix-Rouge de Moucron, Jacques Deroc, détient la clé du mystère. Alors aujourd'hui, mon interview se déroulera donc au Vestiboutique de la Croix-Rouge. Je suis accompagné de Jacques Deroc. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous au sein de la Croix-Rouge ? Ben, je suis le président, élu pour 4 ans. Oui. Dans notre maison Croix-Rouge de Moucron. Mais ça, j'explique souvent lors des conversations. La Croix-Rouge, beaucoup de gens de Moucron pensent que c'est le don de sang. Oui. Mais la Croix-Rouge, c'est beaucoup de choses. La Croix-Rouge, c'est le service secours et c'est le service social. Et ici, dans la maison Croix-Rouge, nous nous occupons du service social, donc d'aide aux personnes en difficulté dans la région moucronoise. J'insiste bien. Dans la région moucronoise, c'est-à-dire l'entité d'Outigny, Herzeau, Luigne et Moucron. Et nous sommes donc au Vestiboutique. Oui, nous sommes à la Vestiboutique de la Maison Croix-Rouge. C'est un endroit qui nous permet de récolter un peu de fonds, oui, pour nos actions sociales. Les actions sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure, intéressent uniquement la région moucronoise. Et cette vente de vêtements de seconde main, oui, nous permet d'entretenir donc une petite caisse qui sert à différentes actions que nous accomplissons sur Moucron. Et c'est quel genre de public qui passe la porte ? N'importe qui peut passer la porte. Oui. La Vestiboutique est ouverte à tous. Nous vendons ici des vêtements de seconde main que nous récupérons à gauche, à droite. Des gens viennent nous ramener, on va parfois vider des maisons. Et n'importe qui peut passer, que ce soit l'ouvrier, l'employé, le patron. On ne peut pas faire de discrimination. N'importe qui peut venir ici acheter ses vêtements. Et même venir discuter, par exemple ? Et en plus, dans notre bar à soupe, n'importe qui peut venir boire une tasse de soupe, une tasse de café, discuter, entre gens de bonne composition, quoi, voilà. Donc c'est un lieu aussi de rencontre. C'est un lieu de rencontre et c'est une des fonctions de la Croix-Rouge, donc accueil, sourire, écoute. Voilà, ça c'est un des gros points qu'on peut faire dans notre maison Croix-Rouge. Et le Vestiboutique est ouvert La Vestiboutique en ce moment est ouverte tous les matins, de 9h à 11h45, même le samedi, ouais, pas le dimanche. Et nous sommes ouverts également le mercredi après-midi, de 14h à 17h. Et là, comme je disais, tout le monde est bienvenu. Voilà. Et donc, vous recherchez des dons ou vous... Nous recherchons. En ce moment, ce qui est très demandé, sont des manteaux, des couvertures. Oui, période hivernale. Période hivernale, ce sont des articles que nous vendons logiquement, mais par exemple, des gens viennent chez nous avec des bons du CPS, des bons du restaurant du cœur. Et à ce moment-là, nous donnons des couvertures, nous donnons, ouais, des manteaux. Voilà, c'est la vertu, ce que doit faire la Maison Croix-Rouge, aider tout le monde. Donc si vous pouvez vous acheter le manteau, vous l'achetez. Si vous ne pouvez pas vous l'acheter, nous vous le donnons, bien entendu. Oui. Et comme on l'a discuté tout à l'heure, il y a donc 7 principes fondamentaux pour la Croix-Rouge. Oui, il y a les 7 principes fondamentaux. Nous avons, à la Croix-Rouge, nous devons faire preuve d'humanité. Ouais. Ça, c'est le premier principe de la Croix-Rouge. Nous devons être impartiaux, c'est-à-dire nous aidons tout le monde, nous accueillons tout le monde, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa religion, quelle que soit... nous devons accueillir tout le monde avec le sourire. L'impartialité, nous sommes neutres. Donc voilà, la Croix-Rouge travaille n'a pas de parti politique, aucun parti politique, ni aucune autre, activité. Difficile à dire. Personne ne peut venir mettre son nez, dans la Croix-Rouge. nous devons faire preuve d'indépendance. La Croix-Rouge de Moucron est la Croix-Rouge de Moucron et n'a rien à dire ou à voir avec les autres maisons Croix-Rouge. Nous travaillons ensemble, mais chaque maison Croix-Rouge est indépendante. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est récupéré pour la maison Croix-Rouge de Moucron reste à Moucron. N'est utilisé ailleurs, ne part pas à Bruxelles, ne part pas en Europe. Non, ce qui est collecté à Moucron aide les Moucronois. Oui. Nous faisons preuve de volontariat, c'est-à-dire que toute personne qui travaille ici vient ici gratuitement sans jamais pouvoir gagner un franc. Ça, c'est un des gros principes. Oui. Nous faisons preuve d'unité. Comme je disais tout à l'heure, nous travaillons ensemble dans un but commun. Et la Croix-Rouge est universelle. Dans le monde, il y a une seule Croix-Rouge, ou un croissant rouge pour, voilà, pour les, certains endroits. Mais que vous soyez volontaire à la Croix-Rouge de Brasilia, de Kinshasa ou de Moucron, c'est la même Croix-Rouge. C'est la même Croix-Rouge. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris, mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Passer le vent, mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, encore une grande figure de la chanson française qui nous a quittés, France Gall. La Croix-Rouge ne serait rien sans ses nombreux bénévoles. Moucron ne déroge pas à cette règle. On retrouve Sully en compagnie de Jacques Deroc. Et donc, vous avez parlé de volontariat. Oui. Donc, vous avez des bénévoles. Exactement. Il y en a combien à peu près ici? Ici, à Maison Croix-Rouge de Moucron, nous sommes une petite vingtaine. Oui. Voilà. La plupart, c'est pour la vestiboutique, donc ce sont des dames ou des messieurs qui viennent passer, vendre ici, trier des vêtements, trier les vêtements que nous recevons, les mettre en vente. Ils offrent le café, ils offrent la soupe, ils discutent avec vous. Et il y a plusieurs autres possibilités de volontariat, ça je me permets d'un peu insister là-dessus. Oui. Nous recherchons pour la région de Moucron des volontaires pour notre service itinérance. C'est un service qui permet de conduire les enfants dont les parents sont incarcérés. Le mercredi, nous prenons un, deux enfants, nous les conduisons voir leurs parents en prison. Ça, nous demandons des volontaires pour cela. Et nous cherchons des volontaires aussi pour nos services Estia. Ça, c'est un service qui visite les personnes isolées. Donc, vous donnez une heure ou deux heures de temps par semaine, vous allez chez une personne isolée, vous lui tenez compagnie. Vous pouvez faire des courses avec elle, aller promener au parc, faire la lecture avec elle, voilà, pendant une heure ou deux de votre temps. Et comment on fait alors pour devenir volontaire? Vous prenez contact avec la Maison Croix-Rouge, qui vous donneront mes coordonnées. On se rencontre, on discute de vos possibilités, de vos envies. Et voilà, et suivant ce que vous pouvez faire, on vous intègre dans nos équipes. La plupart des volontaires, il y a des formations à suivre. Ça, c'est un point qui est très important. Je veux dire, si c'est pour vendre des vêtements, un peu moins. Oui. Malgré tout, on conseille certaines formations. Pour les rencontres avec les personnes. Pour rencontres avec les personnes, pour voir un peu. Donc, nous avons la formation au cœur de la Croix-Rouge qui nous permet de connaître un peu la Croix-Rouge. Et ensuite, si vous voulez faire des activités dans le genre de itinérance ou estia, là, il est obligatoire de faire des formations. Alors, ce sont quand même ce sont des volontariats assez difficiles. Il faut quand même avoir certaines capacités pour aller avec des enfants ou aller chez des personnes isolées. Vous ne pouvez pas faire ça sans